fermé, mais que d'appeler chacun à être artisan de paix là où il est, et plus que jamais de prier pour que nous soyons artisans de paix à travers le monde, car nous risquons de l'oublier, puisque nous sommes touchés sur notre propre sol par la violence des attentats, que c'est quotidiennement à travers le monde que des gens meurent par la violence aveugle. Le père Fabien Lejeune avec Patrick Hisson pour RTL. Et comme chaque année, le 15 août, ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est un événement unique en Europe. 1500 jumeaux, triplés et quadruplés sont attendus aujourd'hui à Pleucadoc dans le Morbihan pour la 23e fête des jumeaux. Cette commune a construit sa renommée sur cet événement. On y vient pour discuter et échanger, notamment quand les enfants sont petits, parce qu'un bonbon, ça fait du bruit, alors quand ce sont des jumeaux, ce n'est pas simple du tout. Mathieu Lopineau, vous avez rencontré des parents à Pleucadoc. Oui, Alicia et Léa, des jumelles de 2 ans et demi avec leurs jolies robes bleues et leurs boucles blondes, font tourner en bourrique Aurélie et Erwan, leurs parents. C'est un peu compliqué. C'est qu'il y en a une qui fait des bêtises et la deuxième qui suit aussi. À toucher les affaires à maman, déchirer le papier peint. Quand tu dis non à une, faut dire non pareil pour la deuxième. C'est dur, faut les surveiller tout le temps. Tout le temps. Sinon, ça fait des dégâts. Pour ce jeune couple de 30 ans, le quotidien est une vraie organisation. C'est pas simple. C'est le double à chaque fois. Les habits, on peut pas les transmettre d'un enfant à l'autre. Donc, il faut les acheter tous les deux à la fois. Donc, il faut acheter tout en double. Hein, tout. Aurélie et Erwan ont dû d'ailleurs changer de voie. La poussette double ne rentrait pas dans l'autre, mais mis à part tout cela... Écoutez, positif, voilà, ça c'est... bah déjà, d'avoir les deux petites dans les bras, déjà, une de chaque côté. À chaque fois qu'on allait au restaurant, tout ça, ça attirait le regard des autres. Ah bah, c'est le bonheur en double, hein. C'est que du bonheur. On multiplie par deux. Ouais. Que du bonheur. Alors finalement, vous aimeriez avoir d'autres jumeaux? Ah non. Non. C'est bon, c'est impeccable. Point tour d'info, Mathieu Lopineau dans le Morbihan pour RTL. Vous avez une jumelle, vous, Olivia? Oui, elle est maléfique. Ah bon, d'accord. N'attendez pas à cette réponse-là. C'est pas grave, ça tombe à l'eau. Attention. Allez-y. Aux fortes chaleurs dans l'ouest de la France. Les autorités appellent à la vigilance vis-à-vis des personnes les plus fragiles dans 16 départements. Ça va de la Corrèze jusqu'au Tarn-et-Garonne. On y attend jusqu'à 37 degrés. Les gestes préconisés, boire régulièrement de l'eau et surtout pas d'alcool, se rafraîchir le corps, éviter les efforts physiques ou de sortir aux heures les plus chaudes. Les courses. Les courses, elles ont lieu à Deauville aujourd'hui. Les pronostics de Bernard Glass, le 11, le 6, le 7, le 2, le 9, le 8, le 5. Hélas, la dernière minute de Bernard, c'est le 6. Olentia. Merci Olivia Lurey. Non, bougez pas, on va aller se promener avec Laurent Deutsch dans un instant. Je ne bouge pas. Dans les rues de Paris. Dans le 14e? Oui. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Il est 9h10. 9h11 maintenant. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Cet été, Géant voit les choses en grand pour vous. Recevez 30% en bon d'achat sur tous les vins en Magnum et gros conditionnement de 2 à 10 litres. Une offre ensoleillée à retrouver jusqu'au lundi 15 août dans votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 15 au 21 août. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le zéro, ça vient des Grecs, non? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, alors, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute à l'aise? En fait, c'est Ford. On en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 € coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Au fil des rues. Avec Laurent Deutsch sur RTL. Et comme tous les matins, on a le plaisir de retrouver en studio sur RTL Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Au fil des rues pour découvrir, redécouvrir et savourer surtout l'histoire de la capitale. Ce matin, nous sommes avenue d'Enfer Rochereau. Ouais, on est dans le 14e arrondissement de Paris aujourd'hui, dans le sud de la capitale. On est sur un très vieux chemin qui s'appelait autrefois la rue d'Enfer. Attention, tremblez bonnes gens, comme l'enfer. Comme l'enfer. Exactement. Alors c'est amusant de se dire qu'aujourd'hui, cette rue d'Enfer a été rebaptisée d'Enfer Rochereau et un d'Enfer qui n'a rien à voir avec ce lieu de supplice éternel. Puisque c'est tout simplement le nom d'un général, il s'appelait comme ça, d'Enfer Rochereau, qui s'était illustré durant la guerre de 1870 en défendant le territoire de Belfort aux Prussiens. Donc ça n'a rien à voir a priori, rue d'Enfer avant et rue d'Enfer Rochereau. Non, c'est juste une espèce de ressemblance. D'accord. Totalement artificielle. Hmm. Mais cette rue d'Enfer, d'ailleurs il y a un petit passage qui s'appelle encore comme ça aujourd'hui dans Paris dans le 14e, on n'est pas loin de l'avenue d'Enfer Rochereau, c'est le passage d'Enfer. Allez le voir, il est formidable. C'est un espèce de petit îlot ouvrier du 19e, assez typique, avec des immeubles très sobres, très homogènes, de 3 étages. Vraiment ça vaut le détour. Alors revenons à l'enfer. l'avenue d'Enfer Rochereau. Oui, qui donc n'avait rien à voir avec un lieu biblique, le refuge des damnés. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. La rue d'Enfer vient du latin inferior, c'est-à-dire que c'est un axe qui doublait l'axe principal des Romains, qui était la rue Saint-Jacques, qui était donc le cardo maximus latin. Eh bien, il y avait un cardo secondaire, un cardo inférieur. C'était cette rue, cette avenue d'Enfer Rochereau, qui était la voie secondaire ou inférieure pour aller vers le sud. Donc, il n'y avait pas de diable là. Eh bien, peut-être que si. Ah. Parce que figurez-vous qu'il y a Milan, c'est ici, à la jonction de l'avenue d'Enfer Rochereau et du boulevard Saint-Michel, que se trouvait le terriblement redouté château du diable Vauvert. On disait que le diable y habitait. Ça, c'est ça qui a donné lieu à l'expression aller au diable Vauvert. Tout à fait. On disait allez, va au diable, va loin d'ici, puisqu'évidemment, comme le diable était censé habiter ici, il n'y avait personne qui habitait dans ce désert. On évitait l'endroit. C'était donc un lieu très reculé, très malfamé. Et il a fallu que ce soit des chartreux au XIIIe siècle qui viennent habiter les lieux, prendre possession des lieux pour créer donc le couvent des chartreux et virer définitivement, exorciser les lieux du démon. Et il ne reste évidemment plus rien de ce château. Non, ça a totalement disparu aujourd'hui. Fort heureusement. Merci beaucoup, Laurent Deutsch. On est sauvés. À demain. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Et ben voilà, ça y est, on y est. Hein. Et voilà, je suis partie 15 jours, je reviens et ils sont encore là. Ouh, que je Bruno suis contente. Bruno Guillon et Caroline Diamant, oui, pour ceux qui débarquent. Merci. Mais, alors, bonjour. Il faut bonjour. Nous ouvrir la porte du studio, en fait. Parce que nous, on nous a mis dedans début juillet, puis les gens ont jeté la clé. On est là. On vous passe des plateaux repas. Alors, on vit en autarcie. On passe des plateaux repas. Alors, c'est frugal parce que l'espace entre la moquette et la porte est très faible. Que du jambon. Donc, c'est des tranches de jambon et de l'eau. Voilà. Ce sont des jambons. Ce sont des jambons. Oh, merci. Merci. Il parle de mes jambes. Mais non. Bon, les amis. Ben, je viens de comprendre. On va... Mais Jérôme sortira un recueil de blagues à la fin de l'été. Ça va rapporter une fortune, je suis sûr. Florin d'en rire. Oui. Les amis, on vous embrasse, vous serez là demain. Oui, bah oui. Dites-moi, je vous ai vu samedi soir, en fait. Ah. Vous étiez très beau. Merci, c'est gentil. Ah oui. Nous nous débriefions justement hors antenne de ce Fort Boyard de samedi. Alors ? Et c'est dommage qu'on ne puisse pas raconter à l'antenne le débrief hors antenne, croyez-moi. Je veux une anecdote. Non, alors je vais donner une anecdote pour Fort Boyard parce que les gens sur Twitter et sur Facebook se sont posé beaucoup de questions concernant Thierry de l'Amour et dans le Pré, que l'on a mis dans une épreuve avec des fils. Qui était impossible à faire. Il était évident qu'il était impossible qu'il la réalise, donc je donne l'explication de ce qui s'est passé. C'est que, en fait, à la première épreuve, il était tellement essoufflé et tellement mal que la production a décidé de le mettre en prison pour qu'il se repose. Voilà. Ah. Voilà l'anecdote. Ok. C'était passionnant. Oui. Et deuxième anecdote, c'était drôle. C'est plus. Un masque. Et Passepartout, en fait, mesure 1m92. Voilà. Hop, c'est que des infos que je vous livre comme ça. Et Willy, elle est un amour. Voilà. Oui, oui, tous. Mais tous sont adorables. Bon, allez, on y va. Allez, vous avez une mission à faire, quoi. C'est bien. Hein, ça. Allez, à demain. À demain. Allez, il est 9h27. Leclerc. Chérie, une petite lasagne fraise. Hein ? J'ai acheté des cônes extrêmes chez Leclerc. Ah, carrément deux paquets. Bah, 60% de remise immédiate sur le deuxième. Ah, dans ce cas, j'en veux. C'est parce que tout le monde se laisse tenter par une bonne glace que du 16 au 20 août chez Leclerc, pour l'achat d'un paquet de 8 cônes extrêmes glacés fraise vanille Nestlé de 568 grammes, vous bénéficiez de 60% de remise immédiate sur le deuxième acheté. 20 modalités dans les magasins participants. C'est bon. Ah ouais. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Andros vous invite à Rio. Gagnez le Brésil avec la force du fruit. Destination Brésil. Tentez de gagner un voyage à Rio pour deux personnes. Jouez avec Andros jusqu'au 9 septembre en achetant trois confitures ou desserts fruitiers Andros. Voir les modalités du jeu sur andros.fr. Andros, fournisseur officiel de l'équipe de France Olympique. Andros, la force du fruit. Pour votre santé, bougez plus. Top, c'est parti, Bernard. Dans quelle ville se trouve l'avenue des Champs-Élysées ? Marseille. Ouh, je vois qu'on est calé en géographie, Bernard. C'est faux. Le seul véritable moyen de gagner à tous les coups, c'est de commander et faire monter ses pneus sur allopneus.com. Chez allopneus.com, nos 100 véhicules ateliers se déplacent jusqu'à vous. Vos pneus sont montés chez vous, sur votre lieu de travail ou ailleurs. Jusqu'au 23 août seulement, achetez des pneus Goodyear et recevez un bon d'achat jusqu'à 100 euros. Goodyear, conçu pour votre bien-être. Conditions sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bonjour et bienvenue, c'est le grand quiz de l'été. Et d'aucuns diront, mais le 15 août, c'est férié? Non, pas pour nous, nous sommes là en direct. Le 15 août, c'est férié? Non, pas pour nous. No ideas, give it, give it. Maintenant, les gens vont penser qu'on est en enregistré. Oh non, on est là. Et comment pourrais-je dire que Usain Bolt, par exemple, est triple champion olympique depuis cette nuit? Parce que vous êtes voyant, peut-être. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Je vois en tout cas que nous allons passer un bon moment en direct sur RTL, et ce jusqu'à 11h. C'est le grand quiz de l'été. Dès maintenant, vous nous appelez pour jouer et gagner des séjours à Disneyland Paris pour 4 personnes, des chèques de 1000 euros, et pour joindre RTL, il suffit d'appeler le 3210 ou composer au 74 900 RTL par SMS. Et là, ça marche aussi. Vous vous retrouverez en direct avec nous, c'est-à-dire avec Caroline Diamant et moi-même. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez non au bureau, j'espère que non pour vous, sur les plages, en train de vous passer de la crème, on vous embrasse, on pense à vous. Ah, Lolita a morflé, si c'est de moi que vous parlez. Hein. Mais non, parce qu'aujourd'hui, vous avez mis une petite tenue de Lolita. Attendez, c'est justement parce qu'il y a une table qui cache tout ce qui est en dessous que je me permets des folies vestimentaires le 15 août. Je trouve ça très joli, voilà. Et je trouve ça très joli, petite mini-jupe. Moi, vous êtes arrivé dans le studio, je l'ai dit. Magnifique. Voilà, hop. Déjà que vous êtes arrivé à l'accueil. Voilà, vraiment. Bon, allez, on joue tout de suite, j'ai envie. Bonjour Olivier. Bonjour Bruno. Bonjour Olivier. Bonjour Caroline. Bienvenue sur RTL. Nous sommes à Barjon, Olivier. C'est ça même. Barjon, c'est à côté de Dijon, c'est ça? Oui, c'est à 37 km au nord-est de Moi, Dijon. J'aurais dit 36,2, mais on n'est pas. 8,8. On n'est pas à 800 mètres près. Olivier, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis chauffeur routier. D'accord. Repos aujourd'hui? Oui, on n'a pas le droit de rouler. Oui, c'est vrai. Pas de camion aujourd'hui, mais alors attendez, ça concerne que les camions. Non, les camions frigorifiques ont le droit de rouler aujourd'hui ou pas? Oui, ils ont des dérogations. Dérogation pour les camions frigo, ouais, c'est ça. Parce que j'en ai vu un ce matin, donc sinon j'étais prêt à dénoncer. c'est classe. Oui. Olivier, il y a 4 mois, vous avez fait un achat. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah oui, on a eu un coup de cœur pour une bâtisse, comment dire, qui logiquement devrait dater de 1582 approximativement. Ah d'accord, donc une vieille maison. Oui, tout à fait, dans un petit village médiéval, avec vue sur un château, donc le coup de cœur quoi, le coup de cœur. C'est classé monument historique? Dans le village, oui. Donc on peut pas faire ce qu'on veut, mais ça reste franchement sympa, quoi. Et donc ça veut dire que vous allez la retaper, la remettre. Elle était habitable de suite, mais bon, faut rafraîchir, faut remettre à son goût, voilà, qu'il y a pas mal de petits bricoles à faire, c'est sympa. J'adore. Si ça se trouve, il y a des trésors qui sont cachés dans certains murs. Ouais, bon, enfin, là, le problème, c'est que partir cette dalle de Bourgogne, alors pour creuser, ça va pas être simple. Ah oui, je vous confirme. Bon, Olivier, un peu de musique pour vous détendre. C'est bon. Vous êtes fan, je crois, de Green Day. Tout à fait. J'adore. Oh, oui, c'est sympa. Tiens, j'ai un peu de ça aussi, histoire de se réveiller pour ce 15 août. Ah, ça fait toute ma jeunesse, ça. Bonne messe que t'as réveillé, hein. Ouais, on l'a passé la semaine dernière à CDC, Highway to Hell. Bon, Olivier, oui. Vous êtes le premier candidat de la matinée. C'est vous qui allez être le maître étalon de cette première heure. C'est Caroline qui va vous poser des questions. Minutes de questions, un maximum de bonnes réponses pour vous, et c'est à la fin de cette première heure un séjour à Disneyland Paris. Est-ce que vous êtes prêt, Olivier? Allez, j'ai enlevé le stress, on va y aller. Eh ben, on y va, c'est parti, top chrono. Quel insecte symbolise les céréales Miel Pops? Une abeille. Quel commerce tient ordre alphabétique dans le village d'Astérix? Chez ordre alphabétique. Bah, quel commerce il tient? Ah, c'est du poisson. Dans quel département le printemps de Bourges a-t-il lieu chaque année? Bourges. Département. La Nièvre. À quel DJ doit-on le tube Don't Love, Love Don't Let Me Go? Guetta. Quelle est la principale vitamine qu'apporte un kiwi frais? Si. Dans quelle émission pour enfants pouvait-on voir Pollux? Le Manège de la Santé. Quel signe rehausse d'un demi-ton la note qu'il précède? Je passe. Quel est le prénom de chevalier le comparse de Las Palès? Je passe. Que signifie le L quand on passe un baccalauréat L? Littérature. Comment se prénomme le héros de Sans Famille dans le roman d'Hector Malot? Rémi. Et on va vous le prendre. Littérature, c'est littéraire. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde un peu l'équipe. On dit oui. C'est 15 août. Est-ce que ils diront bah oui? Oui. Ils oui. Disent oui, disent oui, disent oui, disent oui. Oui. Bon, Olivier. Oui. Ah, c'est pas des briques. Hein? Ah si. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je vous propose, vous savez quoi? Parce que c'est le 15 août, il faut qu'on compte, oui. C'est pas facile, il faut qu'on compte sur les doigts, tout le monde n'a pas tous ses doigts dans l'équipe. Donc, on regarde qui a assez de doigts pour compter. On voit vos réponses, d'accord? Oui. Et puis on se fait un petit débrief dans 3 minutes, d'accord? Ça marche. Merci. Sur un titre que vous allez aimer, puisque vous aimez plutôt le rock un peu comme nous, Peter Gabriel, c'était en 77, voici Salisbury Hill sur RTL. Can't sur RTL, Salisbury Hill. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Papa, je peux inviter des copains à notre barbecue ? Ah oui, mais pas trop de monde quand même. T'inquiète pas, chez Carrefour jusqu'à ce soir, pour deux barquettes de saucisses ou brochettes achetées, la troisième est gratuite. Ah bah alors dans ce cas... Parfait, merci papa. Alors je te présente Gabriel, bonjour. Léa, Marie... Bonjour. Jusqu'à ce soir, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, pour deux barquettes de saucisses ou brochettes achetées, la troisième est gratuite. Vos magasins Carrefour sont ouverts aujourd'hui. Voir liste sur carrefour.fr. Offre valable sur le moins cher des trois. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Respectez les limitations de vitesse, l'essentiel est d'arriver. Respectez les limitations de vitesse, l'essentiel est d'arriver. Respectez les limitations de vitesse, l'essentiel est d'arriver. Cet été, qu'importe le temps, AXA Prévention vous le répétera encore et encore, parce que nous tenons à vous. La vitesse est la cause d'un accident mortel sur trois. Soyez prudent. Sur 100 km, prendre le risque de rouler à 140 km/h plutôt qu'à 130 ne fait gagner que 3 minutes. Retrouvez nos conseils sur axaprévention.fr et sur Twitter @axaprévention. Oud gère tout dans la maison. Oud gère tout ce que je veux. Je veux Oud. Avec les beaux jours, c'est bon de pouvoir profiter de son jardin. Oui, mais s'il faut passer son temps à nettoyer, désherber, tailler les haies ou tondre la pelouse, le plaisir se transforme vite en corvée. Pour ne garder que le bon côté du jardin, faites appel à un vrai jardinier. Vous trouverez les meilleurs sur O2.fr. Et moi je vois la vie en mieux. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été avec notre premier candidat de la matinée, Olivier, qui a joué tout à l'heure, qui a répondu aux questions de Caroline Diamant. Et c'est le moment de savoir combien de bonnes réponses nous a donné Olivier. Olivier, à vue de nez, vous pensez être sur combien ? 5 peut-être. Vous avez bien commencé, l'abeille est en effet l'insecte qui symbolise les céréales Miel Pops. La poissonnerie, c'est le commerce que tient Ordre Alphabétique dans le village d'Astérix. Comment ça, il n'est pas frais mon poisson, ce qui donne lieu en général à des bagarres en début ou en fin de oui. Bande dessinée. Le printemps de Bourges, le département du printemps de Bourges, bon, bah, ça veut dire qu'il faut placer Bourges. Bourges, vous me l'avez placé dans la Nièvre. Bah oui, non, c'est à côté. C'est dans le Cher. Ouais, on a eu le printemps de Nevers, on vous l'acceptait, mais ça ne marchait pas. On lui doit Love Don't Let Me Go. La voix, c'est Chris Willis, mais le DJ derrière, c'est David Guetta. Bonsoir, on se met dans un RTL. J'espère que ça va bien. En tout cas, je t'entends pas le studio. Je suis en veille de fumée. Oui, c'est ça, la machine à fumer, la fameuse. Quel signe rehausse d'un demi-ton la note qu'il précède ? Il s'agit du dièse. Vous avez hésité sur le prénom de Chevalier, le comparse de Laspalès, Régis Laspalès et Philippe Chevalier. Ah, vous avez le vol du matin, 10h. Très bien. Qui met 50 minutes. Parfait. Il est très rapide. Tant mieux. Le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre. Ah ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Attendez, là, comment... Il est très rapide. Attendez, comment ça, on peut pas descendre? Je vous dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Bah, mais enfin, si on peut pas descendre. C'est vous qui voyez. Extraordinaire duo. Le L, bon, vous avez dit littérature, c'était littéraire, vous l'acceptez, le héros de Sans Famille dans le roman d'Hector Malot, c'était Rémi, avec cette adaptation télévisée. Alors il y en a une avec Pierre Richard qui avait été magnifique, puis il y a le dessin animé. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade avec mes amis. Moi je me souviens, j'étais adolescent quand il y avait Rémi Sans Famille, j'étais même petit. Ce dessin animé, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar parce que à peine quelqu'un parlait à Rémi et devenait copain avec Rémi, il était enterré dans les 10 minutes qui suivaient. C'est-à-dire, Rémi portait un peu la poisse, on est d'accord. C'est-à-dire que tous les gens qui côtoient du chien au singe, en passant par le monsieur, tous les gens qui croisaient Rémi, en général, dans la demi-heure qui suivait, ils finissaient pas l'épisode. Je peux vous dire que ça m'a mis des... Ça vous a marqué. Ah, mais ça m'a marqué. C'est normal, c'est trop. Pour ça, maintenant, les gens qui s'appellent Rémi, je suis fou. Bon, Olivier. Oui. Cette bonne réponse. Ah, bon. Et c'est pas mal, cette bonne réponse. Pour espérer gagner le séjour à la fin de cette première heure, il y a bien entendu d'autres candidats qui vont se rejoindre ici sur l'antenne d'RTL, qui vont tenter de vous battre, mais pour l'instant, en tout cas, vous êtes premier et vous avez une montre RTL. Merci beaucoup. On vous embrasse, Olivier. Plein de baisers. Merci à vous aussi, Caroline. Merci. Est-ce qu'on n'accueillerait pas maintenant Muriel ? Direct. Mais oui. Accueillons-la. Elle est là, elle nous attend. Allez, soyons fous. Bonjour, Muriel. Bonjour, Caroline. Bonjour, Bruno. Bienvenue sur RTL. Bienvenue, nous sommes ravis de jouer avec vous. Alors, je vois que vous adorez le cirque. Oui. Mais sans animaux, parce que vous avez une passion pour les animaux, c'est ça ? Absolument, donc les animaux sauvages n'ont pas leur place dans leur cirque, pour le reste c'est bon. Bah écoutez, moi en tout cas c'est la raison pour laquelle je ne suis jamais allée au cirque. Ma maman alors n'était pas soutenait pas tellement les animaux, mais elle avait peur qu'on se fasse dévorer par les lions. Mais après, il faut rendre à César, il y a quand même certains cirques aujourd'hui qui respectent encore les conditions de vie des animaux, et il y a des cirques où les animaux sont très bien traités, vraiment. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'occasion de vivre en cage, donc pas témoigner, mais bonne réponse. Écoutez, en tous les cas, écoutez, nous sommes ravis de jouer avec vous. Vous savez que vous avez 7 bonnes réponses à battre, oui, et que c'est tout à fait faisable ou à égaler. Et pour ce faire, je vais vous laisser entre les mains délicates de notre ami Bruno, qui va vous poser les questions en une minute chrono. Muriel, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Eh bien, écoutez, je suis prêt aussi, donc nous pouvons y aller. En 1984, qui chante Femme libérée ? Cookie Dingler. À quelle couleur associe-t-on un mode de cuisson de la truite ? Bleu, blanche. Sur les vêtements, quel symbole barré déconseille le lavage à sec ? Je sais pas. Quel âge minimal faut-il avoir pour pratiquer la conduite accompagnée ? 16 ans. Quelle série télévisée se déroule dans les murs du Cook Country Hospital ? Passe. Au JO, quelle est la plus petite distance disputée en course à pied ? 100 mètres. Quel nom porte la larve du papillon ? La chrysalide. À qui doit-on la reprise de Don't Cry For Me Argentina en 96 ? Madonna. Que signifie le E de BEP quand le sigle désigne un diplôme ? Élémentaire. Quelle course cycliste est surnommée l'Enfer du Nord ? Liège, Bastogne-Liège. Non, pas Bastogne, c'était Paris-Roubaix, je me suis trompée. Paris-Roubaix, ça aurait été une bonne réponse. Mais là, du coup, forcément, nous ne pouvons vous l'accepter. Absolument. Muriel, on revient sur vos réponses avec Caroline Diamant. Je suis une femme libérée, vous êtes sûrement une femme libérée, et lui, les chantait. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, j'adorais. Elle est abonnée. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout. C'est un peu vous, ça, je trouve, Caroline. Une femme libérée ? Ouais. Mais une libérée en 84, c'est ça ? À quelle couleur associe-t-on un mode de cuisson de la truite ? Vous avez dit la bonne réponse bleue, et puis vous avez annulé votre bonne réponse en restant sur blanche. Votre premier instinct était le bon. Oui, la truite au bleu est pochée dans un courbouillon vinaigré. Oui, moi je savais pas. Moi je pensais que c'était la cuisson du steak, le bleu. Mais si vous me demandez, je vous dis, pour la cuisine, oui, demandez-moi. Oui, mais il faut que je vous demande pour la cuisine, pour la géographie. Je suis fatigué de vous demander maintenant. Sur les vêtements, quel symbole barré déconseille le lavage à sec ? Ça aussi, j'ai découvert. Un rond. Alors, là, vous avez raison, c'est à 16 ans qu'on a l'âge minimum requis pour pouvoir pratiquer la conduite accompagnée. Le Cook County Hospital, c'est là que travaillait George Clooney dans la série Urgence. Ah ouais, urgence, c'est un peu comme Rémi sans famille. Je peux pas regarder ça non plus. Moi non plus, cela dit. Parce que alors, je suis hypochondriaque et moi, tous les symptômes qu'on voit dans l'urgence, bah, dans la foulée, je les ai. C'est pareil avec Grey's Anatomy, hein, j'ai le même problème. Voilà. C'est vrai? Oui. Grey's Anatomy, comme il y avait pas mal d'intrigues quand même amoureuses et surtout le docteur Mamour. Il y avait quand même des maladies dedans. Ouais, mais j'essayais de me concentrer sur, vraiment sur Patrick Dempsey. Ouais. Ça marchait pas mal. Hein. En revanche, l'inverse n'était pas vrai. C'est très peu concentré sur moi. Quel nom porte la larve du papillon, la chrysalide? Non, c'est la chenille. Vous avez raison, c'est Madonna qui a chanté « Don't cry for me, Argentina ». C'était une comédie musicale sur la vie d'Evita Perón et c'est une comédie musicale qui était réalisée par Alan Parker. Le E de BEP n'est pas élémentaire, je suis désolée, c'est études, brevet d'études professionnelles. Et la dernière réponse, on vous a dit que c'était donc le Paris-Roubaix. Cela nous emmène jusque 4 bonnes réponses. Ce sera suffisant pour une montre, malheureusement pas pour le séjour à Disneyland Paris. Bah, c'est très bien quand même. Je suis content d'avoir joué avec vous. Eh ben, Muriel, c'était un plaisir de vous avoir. On vous embrasse. Hein. Moi aussi, je vous embrasse. Plein de baisers. Belle journée, merci. Muriel. Au revoir. Bon, bah pour l'instant, on a toujours notre premier candidat avec ses 7 points. Vous pensez pouvoir faire mieux, vous nous appelez maintenant. C'est le grand quiz de l'été. Vous jouez en direct sur RTL pour ce 15 août. Vous nous appelez au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. RTL. Les aventuriers de l'inconnu. Jacques Pradel, Henri Gougo. La mort est-elle vraiment ce que l'on croit? L'espace qui nous environne est-il habité? Ces coïncidences exagérées que Paul Claudel appelait joliment les jubilations du hasard, que veulent-elles nous dire? Chaque jour, avec les aventuriers de l'inconnu, nous cherchons des réponses aux questions qui nous hantent depuis la nuit des temps. Donnons sa chance au mystère. Les aventuriers de l'inconnu, 14h, 15h sur RTL. Pour poser la clôture de leur nouvelle maison, Audrey et Arnaud ont eu deux idées. Profiter du mois d'août pour le faire et bénéficier des promos Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 10 au 21 août, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15€ par tranche de 100€ d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15€ par tranche de 100€, magasin participant sur bricomarché.com. Tu sais qui vient de gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Antoine, toi qui joues en Espagne, tu sais comment on dit « rentrée des classes » en espagnol? Oui, chez nous on dit « sport 2000 ». Ah, tu te fous de moi. Sport 2000, c'est du français. Peut-être, mais vu ce qu'ils proposent pour la rentrée des classes, pas besoin de traduire, c'est universel. La rentrée des classes chez Sport 2000, ça match. Par exemple, jusqu'au 28 août, les baskets Adidas Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Je sais, il est tard. Juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure. Un peu de nous, un rien de L'album arrive le 26 août, nous n'en pouvons plus d'attendre. C'est le premier extrait signé Jean-Jacques Goldman avec la voix de Céline Dion, encore un soir sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Sept bonnes réponses, c'est le score à battre pour cette première heure du grand quiz de l'été. Il a appelé le 3210 et il a bien fait. En direct avec nous tout de suite sur RTL, c'est Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour Caroline. Jacques, vous êtes à côté de Armentières, dans le Pas-de-Calais, à l'Aventis, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Vous faites quoi dans la vie, Jacques ? Je suis couvreur dans le bâtiment. D'accord. Et aujourd'hui, repos ? Repos, vacances. Repos, bah oui, bien sûr. À vacances en plus ? Vacances. Très bien. Vous avez prévu de bouger un petit peu ou vous restez à la maison ? Non, c'est des vacances studieuses cette année. Ah, ça sent les travaux dans la maison c'est ça. Et oui, des choses dans le genre, évidemment. Jacques, vous adorez la pêche ? Oui, entre autres, oui. D'accord. Vous collectionnez les vinyles ? Oui, oui, oui. Combien ? Je dirais entre 1000 et 1500. D'accord, mais vous les écoutez toujours ou pas ? Bah, en ce moment, pas trop, mais oui. Mais en alors, général, oui, j'écoute. Vous avez des artistes préférés en particulier ou Ouais, j'aime tous les artistes, mais on va dire de la funk fin 70. Ah, la funk des années 70, des années 80. C'est ça. Un petit peu de funk ? Caroline Commodore, et ça bah bien sûr. J'avais ça aussi. Hein. C'est ça. Ouais. On pourrait ressortir la chambre d'écho. Et une bonne année, 1983, en tout cas. La Renault Fuego immatriculée 7240 TZ17. Priez de se déplacer, merci. Bon, allez, Jacques, vous répondez aux questions de Caroline Diamant. Il vous faut avoir à minima 7 bonnes réponses pour espérer gagner le séjour. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Quel animal peut-on avoir au plafond quand on a l'esprit dérangé ? Une araignée. Quel ancien ministre de François Hollande était le chantre du Made in France ? Je passe. Quel doigt les envahisseurs de la série ne peuvent-ils pas plier ? Je passe. Qui interprète le Requiem pour un fou en 1976 ? Je passe. Dans quel film de Patrice Lecomte, Jean Rochefort incarne-t-il un animateur de radio? Je passe. Selon le célèbre slogan, quel gâteau apéritif devons-nous prendre si nous n'avons pas d'amis? Un Purly. Quel est le nom du vaisseau commandé par James Kirk dans Star Trek? Ah oui, Oh, je passe. Sur un téléphone mobile, quel chiffre est associé aux lettres PQRS? Je passe. À quel rappeur doit-on l'album Première Consultation en 1996? Dub Gineco. Selon le calendrier, quel... Je finis la question, mais malheureusement, elle ne peut pas compter. Le calendrier, quel nom porte le mercredi qui suit le mardi gras? Et c'est le mercredi des cendres. Bon, Jacques, on revient sur vos réponses. Oui. Ben, vous savez, il y a toujours le stress, mais je le dis souvent à l'antenne, je le dis aussi hors antenne aux auditeurs. Dès qu'on se retrouve sous le feu du direct, c'est plus compliqué que quand on écoute sur son transistor tranquillement chez soi. Bon, alors, Jacques, l'araignée au plafond, oui, c'est une bonne réponse. Le chantre du Made in France qui a été ministre de François Hollande avec sa célèbre marinière, c'était Arnaud Montebourg. Le doigt que les envahisseurs ne peuvent pas plier, c'est le petit doigt. Oui. David Vincent les a vus. Mais personne ne le croit. Ouais. Tout a commencé alors qu'il cherchait la raccourci d'une route. Bah, je vous signale que quand j'étais jeune et que je regardais la série, je vérifiais si les gens étaient capables autour de moi de plier le petit doigt ou pas. Bien sûr. Bah oui, on est con quand on est jeune. Est-ce que vous aviez un tonton qui disait, bah tiens, regarde, tire dessus ou pas? Parce que j'ai eu ça, moi. Et c'était pas un envahisseur. Et pourtant, je peux vous dire que on aurait pu. Alors, c'était l'auriculaire. Qui interprète le Requiem pour un fou en 76, Jacques? Là, forcément, c'est le stress qui vous a fait rater la réponse, puisque la bonne réponse, c'était le taulier, Johnny. Il avait d'ailleurs reprise en concert avec Lara Fabian, une version duo qui était exceptionnelle. Ouais. Tandem, c'est le film dans lequel Jean Rochefort incarne un animateur de radio. James Kirk dans Star Trek, il pilote l'Enterprise. Je crois que vous chantez très bien ce générique, Caroline. Vous vouliez faire un essai? J'adorerais avoir une jolie voix aiguë comme ça qui parte. PQRS sur un téléphone mobile. Quel chiffre est associé aux lettres PQRS? C'est le chiffre 7. Et puis ne passons pas au plaisir. À côté du plaisir d'écouter un petit extrait de l'album Première Consultation, vous l'aviez trouvé. C'était Doc Gineco qui avait sorti cet album en 96. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Bruno Beaudésir dans l'état civil. Beaucir, pourquoi? Mais je voulais appeler Beaudésir, moi. Je vous change son nom de famille, que je vous dise. On l'embrasse, Doc Gineco. On l'embrasse. Bon, Jacques, ça nous fait au total 3 bonnes réponses. Insuffisant pour repartir avec le séjour, mais bien assez en tout cas pour vous offrir une montre RTL qu'on vous envoie avec grand plaisir à côté d'Armentière. D'accord, Jacques? Très bien, c'est très bien. Passez une bonne journée. Beaucoup. Au revoir, merci Jacques. Beaucoup, à bientôt. Au revoir. 32-10 pour jouer avec nous ou RTL par SMS au 74-900, c'est le grand quiz de l'été. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ouverture exceptionnelle de vos Brico-Dépôt le lundi 15 août dès 8h. Hors dépôt Alsace-Moselle. La qualité, le prix, Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. C'est pas vrai. Quoi? Mais c'est pas vrai! Mais quoi? Je vais pouvoir m'acheter mon fauteuil! Chérie, on est au rayon cuisine. Oui, mais c'est ça qui est beau. On peut s'offrir les deux. Grâce au prix bas IKEA, offrez-vous la cuisine de vos rêves et bien plus encore. Venez vite en profiter dans votre magasin IKEA. IKEA! Le zéro, ça vient des Grecs, non? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, alors, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute? En fait, c'est Ford. Ah oui,

merci, c'est super. Plein sympa. De baisers, profitez bien de ce séjour à Disneyland. Il y en a un autre à offrir. Bien sûr. Vous pouvez dès maintenant appeler le 3210 ou envoyer RTL au 74 900. Le grand quiz de l'été revient après les infos. Carrefour. Claire, je reviens de chez Carrefour et il y a plein de promos. Par exemple, jusqu'à ce soir, pour deux produits achetés au rayon surgelé, le troisième est gratuit. Oh, super papa. Et t'as pris quoi? Du poisson, des légumes? Ah non, non, non, non. Avec ce temps, j'ai pris des glaces. Plein de glaces. Ah. Jusqu'à ce soir, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, pour deux produits achetés au rayon surgelé, le troisième est gratuit. Vos magasins Carrefour sont ouverts aujourd'hui. Voir liste sur carrefour.fr. Offre valable sur le moins cher des trois. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Intersport. Chloé, tu peux venir m'aider à faire mon nœud de cravate, s'il te plaît? Chloé, j'arrive pas à défaire le double nœud de mes lacets. C'est pas vrai, si t'avais l'âge, j'irais chez Intersport acheter des baskets à scratch Ernest à 14,99€. Ah ouais, ça aurait été trop cool. Arrête de faire l'enfant, Paul. C'est ce qui dit qui est. Arrête. En ce moment, chez Intersport, les chaussures enfants Ernest Low sont à 14,99€ au lieu de 29,99€, soit 50% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions date et liste des magasins participants sur intersport.fr. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. RTL. Vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Une messe en plein air commence en ce moment même pour célébrer l'Assomption de la Vierge Marie à Lourdes, ce qui représente pour les catholiques la montée au ciel de la Mère du Christ. Le cardinal Philippe Barbarin, assisté par d'autres prêtres, préside cette cérémonie sur le thème de la miséricorde. Les catholiques appellent à prier pour la France à l'occasion de l'Assomption. 25 000 personnes sont attendues aujourd'hui à Lourdes, une cérémonie sous très haute protection. Depuis jeudi, le pèlerinage a lieu 3 semaines après l'assassinat du père Hamel dans une église de Normandie. C'est une information RTL, la ville étudiante la plus chère de France est sans surprise celle de Paris. La moins chère est celle de Limoges. Dans la capitale, il faut compter en moyenne 1 156€ par mois pour y faire ses études. 655€ à Limoges, c'est le résultat de l'étude de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF. En région, Nice, 4e et sacrée ville universitaire la plus chère de province. Entre le logement, les transports et les charges, étudier sur la Côte d'Azur coûte 906€ par mois, soit 15€ de plus que la rentrée passée. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce classement sur notre site rtl.fr. Toujours de vives tensions en Corse aujourd'hui. 500 personnes ont participé hier à un rassemblement dans une atmosphère tendue. Rassemblement au lendemain d'une violente rixe entre jeunes Corses et 3 familles d'origine maghrébine. Il y a 5 blessés. Cela s'est passé à Cisco, en Haute-Corse. Il y a eu des jets de pierres, des jets de bouteilles. 3 véhicules ont même été incendiés. Une centaine de gendarmes et policiers a dû ramener le calme sur place. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et celui de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, lance un appel au calme et au refus de toute réaction inappropriée. Et on part tout de suite au Brésil pour les JO. RTL, Rio 2016. Votre passeport pour les Jeux. Usain Bolt est vraiment le roi du 100 mètres. Il a décroché cette nuit son 3e titre olympique consécutif. 100 mètres en 9 secondes et 81 centièmes, juste devant Justin Gatling à 9,89. Le français Jimmy Vico termine en 7e position. 7e médaille d'or pour la France grâce aux épéistes français Yannick Borel, Gauthier Grumier, Daniel Gérant et Jean-Michel Lucenay, qui sont sacrés champions olympiques. Ils ont écrasé les Italiens en finale de l'épée par équipe 45-31. La française Charline Picon est devenue elle aussi championne olympique de planche à voile. La Française âgée de 31 ans, déjà multiple championne du monde et d'Europe, a gagné la médaille d'or. Médaille de bronze pour Pierre Lecoq en planche à voile. Bronze également pour Alexis Reynaud en tir à la carabine. Au programme des chances françaises aujourd'hui, en gymnastique artistique, la finale de l'épreuve de poutre avec Marine Boyer. Finale pour les anneaux également à 19h avec Dany Rodriguez. En handball, la France affronte le Danemark à 19h40 et en natation en eau libre, la finale du 10 km à 14h avec des chances Aurélie Muller. Un mot de football également. Lyon a gagné contre Nancy 3-0. Nice l'emporte à domicile 1-0 contre Rennes. Et enfin, match nul entre Marseille et Toulouse. 0-0. Les courses, elles ont lieu à Deauville aujourd'hui. Voici les pronostics de Bernard Glass. Le 11, le 6, le 7, le 2, le 9, le 8, le 5. Là, c'est la dernière minute. Le 6, Olentia. La météo pour cet après-midi. Radieuse sur quasiment toute la France. Quelques petits nuages qui passeront entre la Bourgogne et la Franche-Comté, mais il fera très beau sur l'ensemble du pays. Beau et chaud, comptez 18 à Cherbourg, ce sera la minimale, mais il fera par exemple 28 à Metz et Paris, 30 dans les Alpes et jusqu'à 34 degrés à Bordeaux. RTL, il est 10h passé de 3 minutes. Tout de suite, vous retrouvez le grand quiz de l'été avec Bruno Guillon et Caroline Diamant. Merci Arnaud Touche, on vous retrouve tout à l'heure à 11h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et on vous souhaite un bon week-end du 15 août. Si vous avez la chance de ne pas travailler aujourd'hui, d'avoir un lundi férié, vous allez profiter, peut-être repas de famille. Je sens déjà ces odeurs de cuisson, de poulet grillé qui émanent de la cuisine avec des pommes de terre pour recevoir tout le monde à partir de 12h30. Ça me met l'eau à la bouche. Très bien, bah je serai chez vous à 12h30. Et pour ceux qui travaillent, ceux qui sont sur la route, bon courage. Nous sommes avec vous, nous sommes en direct. C'est RTL, c'est le grand quiz de l'été avec Caroline Diamant. Bonjour à tous. Je vois pas l'analogie cette fois-ci, je cherche entre la boule de flipper et moi, mais c'est vrai, je bouge beaucoup. Honnêtement, ne cherchez pas systématiquement des liens entre les chansons que je choisis et vous. Des fois, il y en a là, non, pas forcément. Je vois des signes partout, oui, je c'est sais. Comme ça. On appelle ça de la paranoïa, hein, faites attention. Non, de l'interprétation, de la spiritualité. Allez, on ne vous promet pas forcément de la spiritualité jusqu'à 11h du matin, mais de la bonne humeur, apprendre en s'amusant, c'est un peu le principe du grand quiz de l'été. Et on vous invite à participer en nous appelant maintenant. Le 3210, le standard d'RTL qui vous attend. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900 et vous allez jouer avec nous en direct pour tenter de repartir avec un séjour à Disneyland Paris. C'est le numéro qu'a composé la première candidate de cette nouvelle heure. Bonjour Sylvie. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Sylvie, bienvenue. Merci. Varennes-Vauzelles, tiens, on parlait de Nevers tout à l'heure. Vous êtes à côté de Nevers, c'est vous ça. Vous êtes dans la Nièvre. Exactement. Bon, elle est toute contente, Caroline. Parce que Caroline et la géographie, c'est une leçon permanente. Et là, elle a fait un yes. Oui, j'étais contente de me souvenir de l'heure précédente que Nevers était dans la Nièvre. Oh bon. Bon, vous faites quoi dans la vie, Sylvie? Responsable commercial. Vacances? Non, mois de septembre, début septembre. Et vous allez partir où? En Corse. Ah, très bien. Oui. Vous me regardez tous, c'est pas moi qui ai dit le mot, mais si vous y tenez, bien sûr. Bien sûr. Ça y est, il a la main sur son oreille gauche. Toujours. Je change d'oreille, juste. Nous sommes transportés. Alors, je vois que vous avez plein de passions. Certaines sont en commun. Vous brodez, vous tricotez. Oui. Alors, je vois que vous avez trois petits-enfants, ce qui signifie que vous leur faites des petites choses, enfin, ou des grandes, d'ailleurs. Non, des petites. Des petites. D'accord. Est-ce que c'est si vous gagnez le séjour à Disneyland Paris, est-ce que vous partiriez avec vos trois petits-enfants? Quel âge ont-ils? Ah oui, oui. Ma petite fille Margot va avoir 5 ans. Oh, c'est la génial. Louis et Léonie vont avoir 2 ans, ouais, au magnifique. Mois de novembre. Elles vont adorer. Elles vont adorer. D'accord, il faut emmener une bonne babysitter quand même. En bas âge. Il faut les garder. Sylvie. Voilà. Oui. Vous avez beaucoup d'artistes que vous aimez et là vous me faites plaisir parce que ça va nous donner l'occasion de réécouter des gens que j'aime beaucoup aussi, au premier rang desquels Jacques Brel. Oui. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler. Vous savez quoi? On va pas se bouder son plaisir. On va en mettre un autre petit extrait. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie. blanc comme un cierge de Pâques. Ça me met la chair de poule, moi, Jacques Brel. Ouais. Et même chose pour Charles Aznavour, d'ailleurs, qui fait partie de vos chanteurs préférés. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi, tu n'as pas changé. De coiffure, peut-être. La coiffure, peut-être. Je la connais par cœur. Oui, vous avez fait du R. Aznavour. Ouais, je suis fan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, moi aussi. Pas l'occasion de me passer tout le temps en radio. Pas me priver l'espace de quelques minutes. Bon, Sylvie, c'était pour vous détendre. Oui. Du coup, je vais vous poser des questions maintenant. Passer un moment, d'accord. C'est un petit peu le but du grand quiz de l'été. Alors, oui, ça nous permet de réécouter des choses de temps en temps, mais le but, c'est de jouer. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Top chrono, c'est parti. Dans sa chanson, qui Gérard Lenormand nommerait-il Premier ministre s'il était président? Lui. Quel sport Jean Alési a-t-il pratiqué en professionnel de 89 à 2001? Automobile, course automobile. Combien y a-t-il de litres dans 20 hectolitres? De 20 000. Comment s'appelait l'extraterrestre avec lequel la GAF présentait le Big Deal? Quel nom porte le cajot servant au transport des huîtres? Bourriche. De qui Gérard Depardieu est-il amoureux dans le film Quand j'étais chanteur? Je passe. Quel type d'accent faut-il ajouter au mot « ou » pour en faire un adverbe? Accent grave. Quelle crème met-on traditionnellement entre les feuilles du millefeuille? Une crème pâtissière. Dans quelle ville marocaine se trouve la célèbre place Jemaa el Fna? Casablanca. Non, ce n'est pas Casablanca, c'est à Marrakech. Magnifique place, Jemaa el Fna. Alors moi qui ai peur des serpents, je peux dire oui, que c'est pas votre endroit. On est servi. Hein. Oui. Alors là, c'est les dompteurs, non, c'est les charmeurs de serpents. Charmeurs de serpents. Ouais, pas fan du tout du truc. Bon allez, on revient sur vos réponses, Sylvie. Sylvie, vous avez choisi une option de jeu qui peut être bien. Vous avez choisi le duo. On est d'accord. Oui. Voilà. Oui. C'est bien de se faire aider. C'est important. Le problème, c'est que du coup, entre les questions, la réponse de votre binôme et votre réponse à l'antenne, on a tendance à perdre un petit peu de temps et ça risque sur le score final de s'en ressentir. On va revenir sur vos réponses avec Caroline. Alors, dans sa chanson, Gérard Lenormand nommait-il le Premier ministre? Comment nommerait-il? Je vais reprendre. On n'est pas en direct. Vous savez quoi, c'est le 15 août. Mais oui. Vraiment, oh là là, et oh, bah Caroline. Oui. On pourrait être allongé sur une plage, non. Et... Dans sa chanson, Gérard Lenormand ça va pas bien. J'arrive. Vous savez quoi? Ne bougez pas. Vous avez demandé RTL. Ne quittez pas. Vous avez demandé RTL, ne quittez pas. Vous avez demandé RTL. C'est bon, je suis là maintenant. Très bien, c'est bon, on y va, c'est sûr. Dans sa chanson, qui Gérard Lenormand nommait-il Premier ministre s'il était président? Nickel, du premier Mickey. Coup. Mickey. Et on l'écoute. Je nommerai bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement si j'étais. Alors Jean, allez-y, vous avez répondu les sports automobiles, on vous l'accorde, même si, pour être plus précis, c'est la Formule 1. Il n'y a pas 20 000 hectolitres Vous avez demandé RTL, ne quittez pas. Vous avez demandé RTL, ne quittez pas. Je suis là, je suis revenu. Attends, c'est bon ? Il n'y a pas 20 000 litres dans 20 hectolitres, il y en a 2 000. Vous avez raison, c'est bien Bill, l'extraterrestre du Big Deal. Mon ami Vincent. Oh, moi j'ai une patate et vous aussi, vous m'avez manqué beaucoup. De qui Gérard Depardieu est-il amoureux dans le film Quand j'étais chanteur? C'est Cécile de France. Mais écoutons un extrait où Gérard Depardieu chante. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. Tout ça nous emmène jusqu'à 5 bonnes réponses. Je vous prie de m'excuser pour ce débrief extrêmement. ces débriefs. Nous allons procéder à une petite intervention chirurgicale sur Caroline Diamant. Vous allez me greffer un cerveau. Le temps d'une page de publicité, lui faire une greffe de dictionnaire. Le temps pour nous de vous annoncer, Sylvie, que vous avez cumulé 5 bonnes réponses. Ce qui est pas mal pour lancer cette deuxième heure. Ça peut vous permettre de gagner le séjour à Disneyland Paris. Réponse tout à l'heure, juste avant 11h du matin. D'accord ? D'accord, très bien, merci. On vous offre une montre RTL, bien entendu, Sylvie. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse. À tout à l'heure. Bonne journée à vous. 32-10, c'est le grand quiz de l'été. Vous voulez jouer avec nous ? Vous pouvez maintenant, vous le savez, le score à battre pour cette nouvelle heure, c'est 5. Ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74-900. Les questions de l'histoire. Le rendez-vous incontournable de Stéphane Bern tout l'été sur RTL. Tout le monde sait que l'histoire n'a pas de secret pour Stéphane Bern. Passionnante, inattendue, il nous invite à découvrir les plus grandes énigmes historiques. Les questions de l'histoire. Découvrez-les cet été, du lundi au vendredi, à 7h20, 12h25 et 22h sur RTL. Carrefour Market. Ma nièce passe en sixième, comme le temps passe vite. Maintenant, il lui faut un nouveau sac, des stylos, une calculatrice. Ça tombe bien, Michel. Pour préparer la rentrée chez Carrefour Market, il y a plein de bons plans. Avec des promos bien calculés? Absolument. Jusqu'au 11 septembre, il y a jusqu'à 50% d'économies sur la carte de fidélité sur les essentiels de la rentrée. Oh, j'aime vos opérations qui tombent toujours juste. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Consultez les magasins ouverts lundi 15 août. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de l'été sur RTL. Bienvenue sur RTL, bienvenue sur la première radio de France. Il est 10h15, c'est le grand quiz de l'été. Nous sommes en direct avec Caroline Diamant qui est en pleine forme. Je vous embrasse. Vous jouez avec nous en appelant le 3210 ou en envoyant RTL par SMS au 74-900. Pour attaquer cette journée, pour attaquer cette semaine. Et Dieu sait que nous l'adorons. Il était sur scène il n'y a pas encore très longtemps avec RTL, Michel Polnareff. C'est Tam Tam. Sur ma canne, me marteau, piqueur en prime. Oui, je laisse jusqu'à la fin parce que j'aime Michel Polnareff. L'homme préhisto, c'était Tam Tam sur RTL. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Et en direct sur RTL pour ce 15 août, c'est Romain qui nous rejoint, qui a appelé le 3210. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Romain, vous êtes parisien. Oui. 16e arrondissement de Paris, vous faites quoi dans la vie ? Je suis médecin. D'accord. De garde aujourd'hui ou pas ? Non. Là, aujourd'hui, c'est la fin des vacances. D'accord. Dernier jour de vacances. Ça se passe comment d'ailleurs, la garde pour les docteurs ? Vous vous arrangez entre vous en disant tiens, tel jour ce sera toi ? Quand c'est à l'hôpital, effectivement, on ne prend pas tous ses vacances en même temps. C'est mieux. Dans un service, on fait un roulement et on s'entend pour que les vacances de chacun puissent être compatibles avec la tenue du service. Et puis en ville, moi j'ai une remplaçante, j'ai un médecin qui me remplace à mon cabinet. D'accord. Vacances, donc vous le disiez, on est sur la fin des vacances ? Oui, c'est le dernier jour de vacances, reprise demain. Vous êtes parti ou pas ? Oui, une semaine en Italie et quelques jours à Lisbonne la semaine dernière. Ah, là vous nous vendez du rêve, l'Italie. Ah, les graissins. Je suis très limité en culture italienne aussi. Bah, les pâtes. Mozzarella. La pasta. Burratina. Bon, vous savez quoi ? On va pas se priver du plaisir d'écouter un peu de musique classique, puisque je vois que vous êtes fan de musique classique. Ah bon, j'aime toute la musique et j'aime bien la musique classique en particulier. Mais j'en ai. Vous avez vu, j'ai choisi quelque chose d'un peu gay, puisque oui, j'aurais pu mettre ça aussi. Et un adagio, avant de faire un questionnaire, c'est pas le meilleur truc pour se mettre dans l'ambiance. Romain, alors, nous avons 5 réponses pour l'instant, c'est le record à battre pour espérer gagner un séjour à Disneyland Paris, d'accord. Ouais. Il va falloir à minima nous donner 5 bonnes réponses si vous voulez pouvoir gagner ce séjour. Si vous faites mieux, forcément, ça vous placera en meilleure position. Mais surtout, si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pouvez repartir avec un séjour, avec un chèque de 1000 euros, d'accord. D'accord. Romain, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Caroline, est-ce que vous êtes prête ? Absolument. Eh bien, nous y allons, top chrono. Que fait tourner Patrick Sébastien selon sa chanson de 2001 ? Les serviettes. Quel est le prénom du majordome qui veut éliminer les aristochats ? Nestor. Quel surnom porte l'avion dans lequel se déplace le président des États-Unis ? Air Force One. Dans quelle capitale européenne se situe la Villa Borghese ? Rome. Selon l'expression, quels oiseaux mange-t-on faute de grives ? Passe. Dans quel film Didier Bourdon et Bernard Campan essayent-ils d'arrêter de fumer ? Le Paris. De quel pays d'Europe sont originaires les membres du groupe The Corrs ? Irlande. Au football, combien de cartons jaunes un joueur peut-il recevoir au maximum ? 2. Comment appelle-t-on la culture des saumons ou des truites ? Pisciculture. De quel héros Petit Jean est-il l'un des plus fidèles compagnons ? Robin des Bois. Dans quel stade l'équipe de l'AJ Auxerre reçoit-elle ses adversaires ? Passe. Quel est le nom des bains publics de la Rome antique ? Des thermes. De quel fruit extrait-on le copra ? La noix de coco, c'est l'amande de coco débarrassée de sa coque, desséchée et prête à être moulue pour l'extraction de l'huile. Le copra, vous voyez, j'apprends quelque chose. Quand je dis qu'on apprend en s'amusant grâce au grand quiz de l'été, là c'est vraiment le cas. On va revenir, si vous le voulez bien, sur vos différentes réponses, cher Romain. Et oui, en 2001... Patrick Sébastien faisait tourner les serviettes. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes, c'est lettre, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes. Vous avez donné Nestor pour le majordome qui veut éliminer les aristochats. Alors Nestor, c'est un majordome, Tintin, à Moulinsart, dans les aventures de Tintin. Il s'occupe de gérer le château de Moulinsart quand le capitaine Haddock n'y est pas. Par contre, dans les aristochats, c'est Edgar. Edgar, le monde veut devenir un gâte. Parce que chaque antidécate retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou. Ce swing comme... Ça y est, l'avantage d'avoir un petit garçon, c'est quoi? C'est qu'on se refait tous les Disney et que même en vieillissant, c'est toujours exceptionnel. Alors, et en plus, je recommande celui-là particulièrement parce que je trouve, à tous ceux qui ont des enfants et qui nous écoutent, c'est le premier dessin animé que l'on peut montrer, je trouve, dès le plus jeune âge, parce que les méchants ne sont pas trop méchants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des chats. Et donc, vraiment, vous pouvez aller. Il faut commencer par les Aristochats, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, ma fille. Et après, est... vendredi 13. En enchaînant derrière. Et saucisse. Enfin... Oui, oui, le film. Six. Voilà. Merci. Rome pour la Villa Borghese, et vous reveniez d'Italie. Donc, oui, forcément, vous aviez la bonne réponse également pour Air Force One. L'expression, c'est faute de grive, on mange des merles. Ouais. Voilà. C'est ce qu'a dit le directeur d'antenne d'RTL, Caroline Diamant, quand on lui a dit qu'elle allait travailler avec moi alors qu'elle rêvait de travailler avec Julien Courbet. Et le patron d'RTL lui a dit, mais oui, mais faute de grive, on mange des merles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous êtes délicieux. Didier Bourdon, Bernard Campan, je suis fan de ce film. Quand ils font le pari d'arrêter de fumer, c'est bien le titre du film, le pari. On va pas se priver d'écouter un petit extrait. Je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites un coup, ça te fera du bien. Comment? Pardon, vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Eh ben, j'ai des ballonnements, je ne peux pas mettre une jupe, c'était... Attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous, madame Deluine, je vais voir. Oh, ça me grimpe, piqué, collé, grimpe. Voilà qui pourra pas vous faire de mal, madame Deluine. Bien, pouvez-vous s'occuper de madame Deluine, s'il vous plaît? Pourquoi il m'a donné des préservatifs? Le tabac, c'est à bout, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est à bout, on en viendra tous à bout. Je suis fan, je pourrais me le refaire cet après-midi. Les Corses viennent bien d'Irlande. Culture du saumon et de la truite, vous nous avez dit la pisciculture, je vous l'accepte. On attendait la salmoniculture, mais qu'à cela ne tienne, on va vous donner le point. Merci. La J Auxerre, vous avez dit Auxerre, vous, c'est rigolo. Oui, en allant vite, je sais, vous savez, dès que ça concerne le foot, moi je prononce mal quelque chose. C'est au stade de l'Abbé Deschamps qu'on joue à Auxerre. J'avais un doute et plutôt que de réfléchir, j'ai passé. Mais écoutez, vous avez bien fait, vous avez passé, ça vous a permis de donner une bonne réponse ensuite pour les termes dans la Rome antique et surtout, Romain, ça vous permet d'avoir 9 bonnes réponses. Et je peux vous dire, Romain, que 9 bonnes réponses, ça vous met bien. Ah bah écoutez, on va espérer alors. On va espérer, on va croiser les doigts jusqu'à la fin de cette heure, d'accord. Il y aura d'autres candidats qui vont venir jouer sur l'antenne d'RTL, mais ils savent désormais qu'il faut faire 9 minimum pour tenter de gagner le séjour. On vous offre, quoi qu'il arrive, d'ores et déjà, Romain, une montre RTL. Eh bien, merci. Et peut-être à tout à l'heure. On vous embrasse. À tout à l'heure. Plein de baisers. 32-10, si vous voulez challenger Romain, c'est le grand quiz de l'été. Venez passer un petit moment avec nous, là, voilà, en direct sur RTL pour ce 15 août, ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 900. On rejoue dans quelques minutes. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Leclerc. Maman, t'oublie pas, il faut des feutres de coloriage pour Thibaut. Oh là, oui, c'est vrai. Là, 1,78€ les 14 feutres de coloriage Bic Kit Couleur plus 4 gratuits avec 45 centimes de tickets Leclerc. Attends, c'est pas mal ça. Des feutres Bic à ce prix-là. C'est parce qu'à la rentrée, Leclerc se bat pour votre budget que du 10 août au 3 septembre, les 14 feutres de coloriage Kit Couleur de Bic plus 4 gratuits sont à 1,78€ avec en plus 45 centimes en tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins et les drives participants. Même que je vais m'en prendre pour moi aussi des feutres Bic à ce prix-là. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Bienvenue sur RTL, bienvenue sur la première radio de France. Et pourquoi nous sommes première radio de France? Parce que ici l'auditeur est roi. Vous rentrez dans la boutique RTL. Oh, bonjour monsieur, asseyez-vous, vous pouvez jouer avec nous et vous pouvez mettre des choix. Tout à l'heure, nous avons eu, je crois que c'était Jacques, qui était fan de funk. Oui. Et je me suis dit, tiens, ce serait quand même dommage de passer à côté. Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night, c'est tout de suite, c'est sur RTL. C'est bien. Ouais, j'ai la rythme dans le sang, mais une mauvaise circulation, c'est ce que je dis très souvent. C'était Oliver Cheatham sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et nous accueillons tout de suite Annick. Bonjour Annick. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour Annick et bienvenue bonjour sur Bruno. RTL. Merci. Ravi de jouer avec vous. Vous nous appelez. Vous habitez près de Lille, n'est-ce pas ? C'est ça, oui. Attiche. Attiche. Enfin, vous habitez à à Tiche. Voilà, c'est ça. C'est pour que les gens qui nous écoutent comprennent que vous n'habitez pas Tiche. Non. Voilà. À Tiche. Très bien. Je m'appelle Françoise Pignon. Donc... On a une grande Caroline Diamant aujourd'hui. Voilà. Moi, s'il y a des gens qui n'écoutent pas RTL aujourd'hui, il y aura un avant et un après. Ils sont passés à côté de quelque chose, vraiment. Alors, vous exercez le métier d'assistante maternelle. Donc, est-ce que vous êtes en vacances actuellement? Oui, je suis en vacances. Encore pour 15 jours. Encore pour 15 jours. Est-ce que vous avez bougé? Non, on reste là. On fait des travaux dans la maison, donc on reste là. D'accord. Et vous participez aux travaux ou c'est votre mari qui... Ah non, là, je suis dans l'atelier peinture là depuis une semaine. Ah d'accord. Eh ben bravo, parce que moi, j'aime bien les gens qui sont manuels et qui sont doués de leurs mains. Annick. Oui. Est-ce que je peux trahir un secret? On peut le dire à l'antenne. Moi, j'aime bien raconter les coulisses de l'émission. Ça dépend ce que c'est comme secret. Alors, non, mais en fait, vous avez une passion. Oui. Vous collectionnez. Oui, mon mari, oui. Alors, et il collectionne quoi? Les vieux tracteurs agricoles. Voilà. Et donc, je voudrais saluer les standardistes d'RTL. Puisque quand vous arrivez à l'antenne, Annick, à l'instar de tous les autres auditeurs, nous avons une fiche, d'accord? Une fiche sur laquelle nous voyons que vous aimez qui un chanteur, qui un sport, etc. Et donc là, il y a marqué forcément qu'il y a cette collection pour qu'on vous bronze dessus. Sauf que une des standardistes, qu'elle se dénonce derrière la vitre en levant la main, ou un des standardistes c'est d'ailleurs. Un standardiste. Alors c'est un standardiste. Il y a qu'un garçon, donc ça y est. Donc on arrive avec une fiche, je vous jure que c'est vrai, cette émission est faite sans filet. Annick collectionne les vieux agriculteurs. Voilà. Ah bah, pourquoi pas. À l'instar de certaines personnes de l'amour et dans le prêt, peut-être, collectionne les vieux agriculteurs. Et on se regardait avec Caroline en disant, c'est quand même bizarre comme collection. Oui, on se disait, quitte à collectionner les agriculteurs, là, regardez, pourquoi c'est pas les prendre jeunes. Alors, Jean-Louis est né en 1932, il est là. Ah, vous êtes Dominique qui est 46, un peu plus jeune. Dominique, très sympa également. Là, vous avez François, qui est de 37. Pourquoi donc, non, c'est bien. Les vieux tracteurs. Mais alors, dites-moi, pour collectionner les vieux tracteurs, vous devez avoir une gigantesque grange, ou enfin un endroit assez imposant pour pouvoir. Non, aller... non, F2. Non, on a un petit hangar à côté de la maison. Merci. C'est l'avantage d'un binôme, c'est quoi? C'est qu'en général, on s'entraide. Voilà. Et travailler avec Caroline Diamant, c'est quoi? C'est qu'à un moment, vous dites quelque chose, elle pourrait vous aider. Non, elle vous vise le genou. Voilà. Et elle tire dedans. Et vous vous effondrez. Non, mon chouchou, je vous taquine. Annick, je vous pose les questions. Allez, c'est parti. Vous êtes prête? Faut bien. Eh bien, écoutez, il faut tenter de battre Romain. Ouais, 9, il était très fort. Et il a été très fort, mais vous allez l'être aussi, j'en suis persuadé. Ouais, Annick, essayez. Top chrono, c'est parti. Comment est la maison chantée par Michel Polnareff en 69? Vide. Sous quel nom de produit alimentaire connaît-on mieux le saccharose? Le sucre. En gymnastique au JO, quelle épreuve de barre est réservée aux femmes? Barre asymétrique. Quelle est la forme du panneau routier chaussée glissante? Triangulaire. Quel océan baigne les Maldives? Océan Pacifique. À quel duo français doit-on la chanson Around the World en 97? Je passe. À qui doit-on la peinture de la voûte de la chapelle Sixtine? Michel-Ange. Quel est le prénom du personnage joué par Bruno Solo dans Caméra Café? Je passe. Quel motif est représenté sur le pull et la casquette du capitaine Haddock? Une encre de marine. Quelle est la couleur dominante des taxis new-yorkais agréés? Noir. Dans quel film de Steven Spielberg un vélo vole-t-il devant la lune? Ici. En Formule 1, quel drapeau signale l'arrivée de la course? Un drapeau à damier. Avec quelle actrice Robbie Williams a-t-il repris en duo la chanson Something Too Stupid en 2001? Nicole Kidman. Bien. La version originale, c'était Frank et Nancy Sinatra en 1967. Je vais me permettre de vous redemander une réponse, Annick, sur la question pour les taxis new-yorkais agréés. Pour la couleur, vous avez dit quoi? Jaune. D'accord, oui, c'est ça. Puisqu'au départ, vous aviez dit noir et après, vous aviez changé. Nous voulions en être sûrs. Vous savez quoi, Annick? Oui. Avant de poser les questions, j'avais dit, je sais pas pourquoi, je vous l'ai dit, je sens que vous pouvez faire. Et vu mon nez. Ah, bah, c'est bon, j'ai un nez quand même. Si vous avez vu des photos, ouais. Si vous m'avez regardé dans Fort Boyard. Non. Oh, bah si. Non, vous n'avez pas un grand nez. Bah, quand je me mouche, j'ai l'impression de serrer la main à un ami quand même. Hein. C'est pas anodin. Je sentais que ça allait pas mal se passer. Annick, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. D'accord. Et puis, nous allons ensemble revenir sur vos différentes réponses. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de problème. Eh bien, très bien. Faisons ça maintenant avec Jane. Découverte par RTL l'été dernier, c'est la révélation française de 2016. C'est comme, c'est sur RTL. Blackburn, I'm so long without you, boy. Today and now, I'm here hanging out in the streets. Thinking about reactions of actions. Walking on the sky of my dreams. Sur RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Bon, Annick a joué avec nous tout à l'heure, il y a quelques minutes. Elle a répondu à mes questions et j'ai l'impression qu'elle a plutôt pas mal répondu. On revient, Annick, si vous le voulez bien, sur vos différentes réponses avec Caroline Diamant. La maison chantée par Michel Polnareff en 69 est vide, bien entendu. Moi, dans ma maison vide, dans ma chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle. Qui passe sur RTL. L'océan qui baigne les Maldives et l'océan Indien. Et non pas l'océan Pacifique, désolé. Et enfin, le duo français auquel on doit la chanson Around the World en 1997 est le groupe Daft Punk. C'est quoi les paroles? C'est moi qui les ai écrites. Vous dites? Pas compris. Comment ça? Tube interplanétaire. Bah là, en même temps. Comme quoi? Ouais, bah oui, c'était compréhensible dans tous les pays. Excellent. Quel est le prénom du personnage joué par Bruno Solo dans Caméra Café? C'est Hervé. On écoute un extrait. Oula, où est-ce que tu files, Serge? Tu m'as l'air bien pressé, là. Ah bah, je pars. Hé, Hervé. Hé, si on me demande, tu dis que je suis là. Quelle journée? Ah, d'accord, tu vas aussi les palaces. Il y a toujours deux séances pour le prix d'une, hein. Ouais. Et aujourd'hui, en plus, c'est le corbeau de Clouseau. J'ai jamais vu, c'est un rêve de gosse, là. Je te comprends, c'est un super film, tu vas te régaler, hein, Serge. Merci. De rien. Le coupable, c'est le psychiatre, le docteur Vorzé. Je crois d'ailleurs que Yvan et Bruno vont se retrouver là sur scène à la rentrée à Paris dans une pièce de théâtre avec également Mélanie Page, etc. Voilà, j'ai vu les affiches, ouais, dans Paris. C'est une bonne nouvelle. Bon. Le film de Steven Spielberg, oui, cette scène mythique, c'était juste pour réécouter un peu le générique parce que c'est tellement culte. Effectivement, avec son vélo qui vole devant la lune et puis qui appelle la maison. Téléphone maison. Salut Jeanne Moreau. Mais c'est ce que j'allais le dire. C'est quoi? Et à force de vous côtoyer, ça y est, maintenant on a les mêmes vannes en fait. Bon, Annick. Oui, toujours là. Annick, je peux vous dire que c'est pas mal. Combien de bonnes réponses d'après vous? Je sais pas, je dirais 8. Il en faut 9 à minima pour espérer gagner le séjour à Disneyland Paris. Annick? Vous en avez 10. Oh cool. Ah, c'est un excellent score. Mais ceci n'est pas terminé. Non, il reste encore un quart d'heure. On aura le temps de rejouer, évidemment. Mais ça vous place plutôt pas mal pour espérer repartir avec le séjour à Disneyland Paris. Ah, et oui, Romain, notre médecin qui a joué avec nous tout à l'heure, doit se dire zut. Je joue pour ma fille, alors j'espère que je vais gagner. Eh ben, je vous le souhaite. On vous offre en tout cas une montre RTL, Annick, d'accord? C'est super sympa, merci beaucoup. On vous embrasse. Merci, moi aussi. Plein de baisers. 32-10. Oui, c'est vrai, c'est compliqué d'avoir 10 bonnes réponses, mais si vous pensez que vous pouvez le faire ou si vous voulez juste passer un bon moment à nos côtés sur l'antenne d'RTL, venez jouer au grand quiz de l'été. Vous appelez maintenant le 32-10 ou vous envoyez RTL par SMS au 74-900. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Antoine, toi qui joues en Espagne, tu sais comment on dit « rentrée des classes » en espagnol ? Oui, chez nous on dit « sport 2000 ». Ah, tu te fous de moi. Sport 2000, c'est du français. Peut-être, mais vu ce qu'il propose pour la rentrée des classes, pas besoin de traduire, c'est universel. La rentrée des classes chez Sport 2000, ça match. Par exemple, jusqu'au 28 août, le survêtement Adidas Junior est à moins 50%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. RTL. Tu sais qui vient de gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques ? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires ? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin ? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher. Il y a quelqu'un ? Oui, dans la cuisine. Je range les courses. Ah ben dis donc, ça fait des courses. Mais vous achetez tout en double maintenant. Disons qu'en ce moment, chez Leclerc, sur de nombreux produits, 60% de remise immédiate sur le deuxième acheté. Ah ben oui. C'est parce que Leclerc défend votre pouvoir d'achat au quotidien que du 16 au 20 août, sur de nombreux produits, vous bénéficiez de 60% de réduction immédiate sur le deuxième produit acheté. Voir modalité dans les magasins participants. 60% sur le deuxième produit acheté. Mais pourquoi on ne prévient pas à moi? Mais t'écoutes pas la radio? RTL, le grand quiz de l'été. Raphaël est en Saône-et-Loire. Bonjour Raphaël. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Raphaël, bienvenue sur RTL. Où c'est exactement Saône-et-Loire? Alors c'est dans le Charolais, c'est tout au sud. Mais je vois très bien. C'est au sud de Charolles et c'est pas très loin de Roanne également. Oui, très bien, c'est quoi le nom? Le village c'est Châteauneuf. Châteauneuf. C'est un tout petit village, voilà. Châteauneuf, en Saône-et-Loire, qu'est-ce qu'on mange bien par là-bas? Faites-nous rêver. Bah, avec le Charolais déjà, de la viande, forcément. Tout à fait. Du bon vin. Oui. Et puis il y a la Bresse qui est pas très loin également. Ah, le poulet de Bresse. Le poulet de Bresse, tout à fait, oui. Ça y est, vous me mettez l'eau à la bouche. Je vois que Bruno est connaisseur. Mais oui, écoutez, je connais un petit peu la région pour des raisons personnelles. Très bien. Raphaël, vous êtes formateur adulte en reconversion, c'est bien cela? Oui. Et côté musique, vous avez applaudi les frérots de la Vega il y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Du côté de Guignon. Au sein de la ville à Guignon, tout à fait. Film préféré, Le Cercle des Poètes Disparus. Ah, ça date un petit peu, mais bon, c'est générationnel. Ouais, avec le grand Robin Williams. Oui, bon, tout à fait. Raphaël. Oui. Nous allons vous poser des questions. Un petit peu de stress pour vous, Raphaël, ce matin, on va pas se mentir, puisque nous avons de bons candidats là pour cette nouvelle heure. Ouais. 10 bonnes réponses données par Annick il y a quelques minutes. Avant, nous avions eu Romain avec 9 bonnes réponses. Sylvie qui était pas mal non plus avec ses 5 bonnes réponses pour attaquer l'heure. Votre mission, Raphaël, c'est l'aventure, vous l'acceptez. C'est de donner à minima 10 bonnes réponses. Oui. 10 bonnes réponses que vous allez tenter de donner à Caroline, puisque c'est Caroline qui, dans quelques secondes, va vous poser les questions. D'accord ? Ok, oui. Ce message s'auto-détruira au début de la chanson de Gauthier, puisque nous allons jouer juste après. Attention, destruction. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's a ache I still remember. Tiens, puisqu'on parle de tube de l'été aujourd'hui, c'est le 15 août, petite émission spéciale avec notre camarade de jeu, Eric Jean-Jean, qui sera là en direct tout à l'heure entre 13h et 14h. Et aux côtés d'Eric, vous allez pouvoir découvrir et surtout redécouvrir les tubes qui ont marqué différents étés de vacances. Ce sera tout à l'heure en direct sur RTL, les tubes de l'été avec Eric Jean-Jean dès 13h. RTL, le grand quiz de l'été. Annick! Oui. Annick, vous avez eu 10 bonnes réponses tout à l'heure. Oui. Annick, je vous présente Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Annick. C'est le challenger. Raphaël rentre sur le ring avec cette mission: faire mieux qu'Annick et faire mieux que 10 bonnes réponses. Ou au moins autant. Au moins autant. Raphaël. Oui. Votre sparring partner s'appelle Caroline Diamant. Enchantée Caroline. Enchanté, Raphaël. Elle vous pose les questions. À vous de donner un maximum de bonnes réponses. Attention, top chrono, c'est parti. Quel humoriste s'est fait connaître avec « C'est l'histoire d'un mec » Coluche. De quel fruit la Mirabelle est-elle une variété? La prune. Quel nom désigne les autobus à deux niveaux de Londres? Ah, je ne sais plus. De quel département la ville de Guéret est-elle le chef-lieu? La Creuse. Avec quelle chanteuse André Manoukian a-t-il débuté comme compositeur? Yann Folli. Quel mot inuit désigne en français une embarcation individuelle? Canoë. Quelle est la monnaie de l'état de Saint-Marin? L'euro. Sur quel arbuste poussent les graines qui, torréfiées, donnent du café? Le caféier. En électricité, quelle est l'unité de mesure de la fréquence? Le hertz. Quelle comédienne chante en 1970 le titre « Nu au soleil » ? Je passe. Comment appelle-t-on les habitants de la ville d'Alger ? Les Algérois. Dans quel sport Jacques Secrétin s'est-il illustré ? Ah, c'est le tennis de table. Secrétin, S-E-C-R-E-T-I-N. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'était son nom de famille. Alors oui, oui, ça prête à rire sans doute, mais en tout cas, c'était un très bon pongiste. Oui. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais une table de ping-pong qui était une table secrète. Hein. C'était écrit dessus. Voilà. Avec ma raquette donnée. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais moi, j'aime bien Monsieur Secrétin. On revient sur vos réponses. Oui. Si vous le voulez bien, cher Raphaël. Et ne passons pas à côté du plaisir de réécouter ce sketch culte de Coluche. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, parce que... parce que... Pas un peu... Alors... parce que... Pas un petit... Non. Coluche, extraordinaire Coluche. Bon, alors, le nom qui désigne les autobus à deux niveaux de Londres. Vous êtes passé à côté. Oui. Et pourtant, on en parle souvent. La dernière fois, on en a parlé, c'était pour la finale de l'Euro 2016 avec la suite que l'on connaît, mais ces photos qui avaient fuité du bus pour oui. l'équipe de France de foot en cas de victoire en finale, et on parlait du bus à Impérial. Ah oui. Et oui, c'est son nom. Bah, je cherchais un terme anglais en fait. Et ça n'est pas. Ben non, ouais, c'était bus à Impérial. Alors, okay. Le mot inuit qui désigne en français une embarcation individuelle. Vous avez dit le canoë. Le canoë, en fait, on le fait à deux en général. En une place, donc, c'est le kayak. C'est le kayak, c'était l'autre. Et oui. Ok. Il y a un petit piège pour l'état de Saint-Marin, la monnaie de Saint-Marin, vous n'êtes pas tombé dedans, c'était l'euro. Oui. Bravo. Quelle comédienne chante en 1970 le titre Nu au soleil? Nu au soleil. C'était bébé Brigitte Bardot. Et pour le reste, c'était pas mal. Alors, la question que maintenant tout le monde se pose, et surtout que Annick se pose, c'est est-ce que Raphaël, vous avez atteint les 10 bonnes réponses? Qu'en pensez-vous? J'ai pas compté, donc je ne sais pas. Annick? Bah, je vais dire 9. Eh bien, le nombre de bonnes réponses, c'est... 9. Après la pub. Carrefour Market. Ma nièce passe en sixième, comme le temps passe vite. Maintenant, il lui faut un nouveau sac, des stylos, une calculatrice. Ça tombe bien, Michel. Pour préparer la rentrée chez Carrefour Market, il y a plein de bons plans. Avec des promos bien calculés? Absolument. Jusqu'au 11 septembre, il y a jusqu'à 50% d'économies sur la carte de fidélité sur les essentiels de la rentrée. Oh, j'aime vos opérations qui tombent toujours juste. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économies. Consultez les magasins ouverts lundi 15 août. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. RTL Autour du Monde. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Tous les jours de l'été dans RTL Autour du Monde, nous vous emmenons à la découverte de ce que la France et le monde comptent de plus incroyable. Recettes improbables, animaux inconnus aux coutumes déroutantes, c'est toute une équipe d'experts insolites RTL qui vous promet un été aussi étonnant que fascinant. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange. RTL Autour du Monde. Aujourd'hui à partir de 15h. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Tous les jours, le grand quiz de l'été, même le 15 août, en direct, bien sûr. grand quiz de l'été avec de très bons candidats ce matin. Olivier, Muriel, Jacques, Sylvie, Romain, Annick et Raphaël. Ce sont deux derniers candidats que nous avons eus là. Raphaël. Oui, Bruno. Annick. Oui, Bruno. Raphaël. Oui, c'est ça, on va le faire pendant 10 minutes. Annick. Mais Caroline. Le nombre de réponses nécessaires pour pouvoir prétendre au séjour à Disney, c'était un minima 10 bonnes réponses, puisque c'est le score qu'a atteint Annick tout à l'heure. Cela veut dire que si vous l'avez atteint, Raphaël, nous allons devoir vous départager en vous posant une question subsidiaire. Raphaël, vous avez obtenu un très beau score. Mais hélas, insuffisant. 9 bonnes réponses, Raphaël. D'accord, bah, c'est pas grave. On vous offre une montre RTL, on vous embrasse. On vous embrasse très fort. Et nous laissons éclater la joie d'Annick. Bravo Annick, félicitations. Oh, je suis super contente. Collectionner les tracteurs vous apporte des chances. Ouais. Bon, oh, alors. Je suis contente, merci. Eh ben, écoutez, le plaisir est pour nous, vraiment. Annick, assistante maternelle à côté de Lille à Attiche, dans le Nord. La question que je vous pose maintenant, c'est avec qui allez-vous partir ? Avec mes enfants. Oh, comment s'appelle-t-il ? Baptiste, oh là là, vous me faites plaisir. Ah oui, vous allez nous faire pleurer, Annick. C'est pas grave, mais je suis contente. Oui, mais ce sont des pleurs de joie, vous savez. Et alors, je vous donne un peu le descriptif de ce séjour. Vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le Magicien. Vous allez chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. Deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris, Walt Disney Studios. Vous serez logé dans le magnifique hôtel Sequoia Lodge. Et nous vous offrons en prime les déjeuners. Oh, merci, merci, merci. Annick, on vous embrasse. Merci, on vous embrasse merci. Très fort et profitez de ce séjour. Merci. Oh. Merci beaucoup. Merci à vous de tant d'émotions. Ça fait plaisir. Oui. Et nous allons partir avec Caroline Diamant. Main dans la main, vers le soleil qui inonde aujourd'hui la France. Qu'allons-nous faire durant ces 21 heures qui vont nous séparer de vous, auditeurs d'RTL? C'est un secret. Mais nous serons là demain matin à 9h15, quoi qu'il arrive. Avec un grand plaisir, bien entendu. Allez, on vous donne rendez-vous demain. Dans quelques instants, la curiosité est un vilain défaut avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Et dès 11h, là, juste après les infos, ils reviendront sur l'histoire de la Vierge Marie. Pour l'instant, vous écoutez RTL, il est 11h. Les infos avec Arnaud Touche. Bonjour, bonjour à tous. Les catholiques de France célèbrent l'Assomption. Aujourd'hui, célébration placée sous haute protection, notamment à Lourdes, où une immense messe se tient en plein air. En ce moment, près de 25 000 personnes sont attendues. Une cérémonie qui a lieu 3 semaines après l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. À Lourdes, une prière doit avoir lieu dans l'après-midi à la grotte Massabielle, où, selon l'église catholique, une jeune bergère, Bernadette Soubirous, a vu Marie en 1858. Beaucoup de sécurité autour du festival du théâtre de rue à Aurillac. Il fait vibrer la ville du 17 au 20 août prochain, avec plus de 100 000 spectateurs attendus cette fois dans la préfecture du Cantal. Les organisateurs ont en effet choisi de prolonger la fête du 30e anniversaire déjà célébré en 2015. Le maire PS de Cisco en Haute-Corse, Ange Pierre Vivoni, a pris un arrêté interdisant le burkini sur les plages de sa commune. Un arrêté qui intervient après les incidents violents de samedi qui ont fait 5 blessés. Une rixe qui a eu lieu dans une crique entre 5 jeunes Corses et des familles d'origine maghrébine. Selon des témoins, la rixe a éclaté alors que plusieurs femmes se baignaient en burkini et étaient prises en photo par des touristes. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et celui de l'assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, lancent un appel au calme et au refus de toute réaction inappropriée. On prend désormais la direction de Rio. Vivez les Jeux Olympiques sur RTL. Et on va faire un point sur le programme des chances françaises aujourd'hui en gymnastique artistique. La finale de l'épreuve de poutre avec Marine Boyer, ce sera à 19h. 19h également,